10. Le grand frisé. J'ai repris le chemin de Loisy. Tout le monde était réveillé. Sylvie avait une toilette de demoiselle presque dans le goût de la ville. Elle me fit monter à sa chambre avec toute l'ingénuité d'autrefois. Son œil étincelait toujours dans un sourire plein de charme, mais l'arc prononcé de ses sourcils lui donnait par instant un air sérieux. La chambre était décorée avec simplicité, pourtant les meubles étaient modernes. Une glace à bordure dorée avait remplacé l'antique trumeau où se voyait un berger d'idylle offrant un lit à une bergère bleue et rose. Le lit à colonnes chastement drapées de vieilles perses à ramages était remplacé par une couchette de noyer, garnie du rideau à flèches. À la fenêtre, dans la cage où jadis étaient les fauvettes, il y avait des canaris. J'étais pressé de sortir de cette chambre où je ne trouvais rien du passé. « Vous ne travaillerez point votre dentelle aujourd'hui, » dis-je à Sylvie. « Oh, je ne fais plus de dentelle, on n'en demande plus dans le pays. Même à Chantilly, la fabrique est fermée. Que faites-vous donc ?» Elle alla chercher dans un coin de la chambre un instrument en fer qui ressemblait à une longue pince. « Qu'est-ce que c'est que cela ?»« C'est ce qu'on appelle la mécanique. C'est pour maintenir la peau des gants afin de les coudre. »« Ah, vous êtes gantière, Sylvie ?»« Oui, nous travaillons ici pour Dame Martin. » »« Cela donne beaucoup dans ce moment. » »« Mais je ne fais rien aujourd'hui. » »« Allons où vous voudrez. » Je tournai les yeux vers la route d'Otis, elle secoua la tête. Je compris que la vieille tante n'existait plus. Sylvie appela un petit garçon et lui fit seller un âne. « Je suis encore fatiguée d'hier, dit-elle, mais la promenade me fera du bien. Allons à Chalice. » Et nous voilà traversant la forêt, suivis du petit garçon, armé d'une branche. Bientôt Sylvie voulut s'arrêter, et je l'embrassai en l'engageant à s'asseoir. La conversation entre nous ne pouvait plus être bien intime. Il fallut lui raconter ma vie à Paris, mes voyages. « Comment peut-on aller si loin ?» dit-elle. « Je m'en étonne en vous revoyant. »« Oh, cela se dit. » »« Et convenez que vous étiez moins jolie autrefois. »« Je n'en sais rien. »« Vous souvenez-vous du temps où nous étions enfants, et vous la plus grande ?»« Et vous le plus sage ?»« Oh, Sylvie. » »« On nous mettait sur l'âne, chacun dans un panier. » »« Et nous ne nous disions pas, vous. » »« Te rappelles-tu quand tu m'apprenais à pêcher des écrevisses sous le pont de la Thève et de la Nonnette ?»« Et toi, te souviens-tu de ton frère de lait ?» qui t'a un jour retiré de Lyo, le grand frisé. C'est lui qui m'avait dit qu'on pouvait la passer, Lyo. Je me hâtais de changer la conversation. Ce souvenir m'avait vivement rappelé l'époque où je venais dans le pays, vêtu d'un petit habit à l'anglaise, qui faisait rire les paysans. Sylvie seule me trouvait bien mis, mais je n'osais plus rappeler cette opinion d'un temps si ancien. Je ne sais pourquoi ma pensée se porta sur les habits de noces que nous avions revêtus chez la vieille tante à Otis. Je demandais ce qu'ils étaient devenus. « Ah, la bonne tante, » dit Sylvie, « elle m'avait prêté sa robe pour aller danser au carnaval à Dammartin, il y a de cela 2 ans. L'année d'après, elle est morte, la pauvre tante. Elle soupirait et pleurait, si bien que je ne pus lui demander par quelles circonstances elle était allée à un bal masqué. Mais grâce à ses talents d'ouvrière, je comprenais assez que Sylvie n'était plus une paysanne. Ses parents seuls étaient restés dans leurs conditions, et elle vivait au milieu d'eux comme une fée industrieuse, répandant l'abondance autour d'elle. »